chercheuse. C'est tous les samedis et dimanches sur France Culture avec des scientifiques, des universitaires, des spécialistes, mais surtout, surtout des passionnés. Tête chercheuse, les philosophes arabes contre les dogmes religieux, avec l'universitaire Ali Ben Mahlouf, professeur de philosophie arabe et de philosophie de la logique. Dernier ouvrage paru chez Albin Michel, Pourquoi lire les philosophes arabes? On le sait, sans les philosophies arabes, la pensée de l'Occident ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais qui était donc ces philosophes arabes? Et on va parler d'un philosophe arabe bien particulier, il s'agit d'Al-Kindi. Qui était Al-Kindi? Al-Kindi, né autour de 800, il fut protégé par trois califes abbassides, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, Al-Watir. Al-Ma'moun, fondateur de la Maison de la Sagesse, en 832, lui donne à diriger les équipes de traduction qui étaient à l'œuvre dans cette maison. Il a écrit une épître, une lettre sur la philosophie première, c'est-à-dire la métaphysique. Il a dédié aussi à un autre calife. La langue arabe, au IXe siècle, s'est trouvée enrichie par le grand mouvement de traduction qui s'est accéléré à l'époque d'Al-Kindi, justement, et lui avait la charge de veiller sur la qualité des traductions. Il appartient, Al-Kindi, aux premières générations de l'Empire abbasside qui a transféré sa capitale de Damas à Bagdad. C'est un pouvoir qui s'est appuyé sur les cultures non arabes, notamment la culture perse, et les Perses avaient offert à ce pouvoir toute l'organisation politique et culturelle par l'arrivée en masse des secrétaires, on appelait ça al-kutteb, et des vizirs. La culture perse, depuis l'époque d'Alexandre, a été en contact avec la culture grecque, soit de façon diffuse au niveau de la pensée commune, soit de façon plus raffinée au niveau de la science et de l'enseignement. Il y a donc à ce moment-là, au IXe siècle, une accumulation progressive montante de connaissances non arabes qui sont en même temps des connaissances profanes. Et tout ça, c'est bien sûr l'âge d'or arabo-musulman, mais on est en terre d'islam. Tout à fait. Alors c'est quoi la place du philosophe à cette époque-là, dans un pays musulman? La place du philosophe, c'est quelqu'un qui doit avoir maille à partir avec le donné révélé, parce que lui, il se met sous l'égide de la raison. Il a lu Aristote, il a lu les commentaires déjà grecs sur Aristote, et il doit précisément se situer par rapport à un donné révélé qui lui vient de l'extérieur, qui vient pas de la raison par définition, et il doit négocier en quelque sorte le rapport de la parole argumentée à la parole inspirée. La parole inspirée prophétique et la parole argumentée de la raison. Et pour quelqu'un comme Al-Kindi, pour pouvoir justifier la pratique philosophique, il fallait en quelque sorte assurer une continuité entre la parole prophétique et la parole argumentative pour dire ce que les prophètes reçoivent d'un seul coup, la révélation, les philosophes, eux, le détendent par l'argumentation et par les commentaires. Et c'est en ce sens que Al-Kindi a lutté pour qu'il y ait une arrivée en masse de toute la culture grecque, parce que, disait-il, même si on veut s'opposer à philosophie issue des Grecs, il faut savoir à quoi l'on s'oppose. Et donc, il est important de pouvoir les traduire. Je crois que ce point est important, d'autant plus que face à lui, il y avait quand même aussi ce qu'il appelait les chairs usurpées de la théologie, ceux qui trafiquent de la religion, c'est son expression. Ils sont sans religion, parce que celui qui trafique d'une chose la vend, et qui vend une chose ne l'a plus. Donc celui qui trafique de la religion n'a plus de religion. Il mérite d'être dépouillé de la religion, je continue à le citer, celui qui s'oppose avec acharnement à ce qu'on acquiert la science des choses en leur vérité, c'est-à-dire la philosophie, et qu'il l'appelle incroyance. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait un duel, un débat contradictoire entre le philosophe arabe et l'imam? Il y avait cette idée que le philosophe apporte quelque chose qui est une matière étrangère. Et donc le philosophe devait dire « cette matière étrangère n'est pas si étrangère que cela parce qu'elle s'appelle sagesse ». Or la sagesse est une des caractéristiques de Dieu, le sage est un des attributs de Dieu, et donc la philosophie s'est introduite sous le label sagesse, et c'est en ce sens qu'elle a perdu un peu son côté d'étrangeté, en tous les cas dans la lutte pour pouvoir l'introduire. Et ce qui est intéressant, et ce que vous montrez bien dans votre livre « Pourquoi lire les philosophes arabes » avec El-Kendi, c'est que selon lui, selon ce philosophe, le savoir philosophique s'inscrit dans la continuité du savoir prophétique, c'est-à-dire de la parole inspirée à la parole argumentée, il y a plus de continuité que de rupture. Oui, c'est cela, parce que précisément, tout ce que la révélation donne pour Al-Kindi peut être repris en un sens religieux. Je donne un exemple. Le fils d'un calife dont lui était précepteur lui dit « mais il y a un passage du Coran que je ne comprends pas du tout, les plantes et les arbres se prosternent ». C'est la sourate de la miséricorde. Ça veut dire quoi que les plantes et les arbres se prosternent? Et donc lui va commencer à lui dire « oui, le Coran dit cela, mais ne prenez pas précisément l'idée de la prosternation des plantes et des arbres comme celle des personnes, parce que les plantes et les arbres n'ont ni paume, ni main, ni genoux, mais il y a dans la prosternation quelque chose qui est une obéissance à un principe premier, et donc finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui les lois de la nature, il y a quelque chose de régulier dans les phénomènes naturels qui se produisent, et cela c'est comme un principe qui obéit à Dieu. Et dit-il clairement, je vous dis tout cela parce que, je le cite, « par ma vie, ce qu'a dit Mohammed le véridique, donc le prophète, ce qu'il a transmis de la part de Dieu, grand et puissant, se retrouve entièrement au moyen de déduction rationnelle que refuse seul de tous les hommes ceux qui se sont privés de la forme de la raison et se sont unis à la forme de l'ignorance. » Ça, si vous voulez, c'est cette lutte pour arriver à faire, en quelque sorte, partager toute la culture grecque de rationalité à ce monde qui est d'abord massivement structuré par la religion. Et donc au savoir traditionnel, pour continuer à répondre à votre question sur le rapport à l'imam, le savoir traditionnel qui était enseigné dans les mosquées, jurisprudence, exégèse coranique, exégèse des dits prophétiques, eh bien, il fallait ajouter l'astronomie, l'agriculture, la médecine, tout ce qui vient de Plotin, tout ce qui vient du néoplatonisme. Et c'est ainsi que, petit à petit, en tous les cas, Al-Kindi, et on le verra par la suite, les autres philosophes tout aussi bien, vont insister sur l'idée d'une osmose entre religion et philosophie, au sens où la philosophie a à expliciter rationnellement ce qui est le message, souvent en image, souvent en ambiguïté, du texte sacré. La philosophie arabe, c'est quoi? C'est une philosophie propre aux pays arabes, ou c'est une philosophie qui renvoie à une période où les Arabes étaient ouverts à toutes les philosophies? La philosophie arabe, c'est d'abord une philosophie en langue arabe, c'est-à-dire qu'il y a des Perses, comme Avicenne, qui écrivent en arabe. Il y a Al-Farabi, qui est de ce qu'on appellerait aujourd'hui une partie de la turkmène, qui écrit en arabe. En fait, l'arabe, un peu comme le français au XVIIIe siècle, est la langue de culture et de ralliement des lettrés. Donc on a différents peuples non-arabes islamisés, mais qui utilise le médium de la langue arabe, une langue qui, comme je disais, a traduit la philosophie grecque et donc a stabilisé des concepts qui étaient maniés par tous ces philosophes. Donc les philosophes arabes, c'est des philosophes qui ont écrit en langue arabe. Est-ce qu'on peut dire que, à travers les philosophes, ou à travers le cas d'El-Kindi, la philosophie arabe, le discours philosophique, s'est confronté à un discours rigoriste, à des dogmatiques religieux? Oui, parce qu'il y avait tout un mouvement, ce que El-Kindi appelle les gens qui ont des chairs usurpées de la théologie, c'est-à-dire qu'il y avait des arguments d'autorité, de théologiens, qui disait toute cette philosophie venue des Grecs, soit elle dit la même chose que le Coran, donc elle est superflue, soit elle dit des choses contradictoires par rapport au Coran, et donc nous n'avons pas à l'introduire. Et lui va reprendre complètement, structurer son argumentation pour dire, mais précisément, il faut d'abord pleinement la traduire pour avoir une parole qui donne ses raisons. Je précise ce point parce que je disais que pour s'introduire, cette philosophie a été labellisée sagesse. Mais justement, c'est une sagesse qui donne ses raisons. Ce n'est pas une sagesse répétitive. Les Chinois ont dit, les Indiens ont dit, les Perses ont dit. Alors, ce n'est plus du tout, la philosophie arabe n'est plus du tout une simple collecte d'aphorismes. Elle se structure comme un commentaire des œuvres de Platon, d'Aristote, de Galien. Je précise aussi Galien parce que la médecine était très très importante, avec ce côté souci de soi dont a parlé si bien Foucault, surtout les Grecs qui ont commenté Galien, et précisément, il fallait en quelque sorte faire émerger un nouveau domaine de réflexion et ajouter, comme je le disais, aux sciences classiques de la jurisprudence, de la grammaire et de l'exégèse coranique, ces sciences démonstratives, avec cette indication que la démonstration doit pleinement se distinguer de la persuasion rhétorique. Quand on parle, vous savez, il y a plusieurs niveaux de discours, et ça émerge avec ces philosophes en disant, attention, il y a le niveau rhétorique où on coïncide immédiatement avec ce qu'on dit, il y a le niveau dialectique où on s'oppose, etc. Il y a le niveau démonstratif qui contraint de croire, et ce qu'il faut viser toujours, c'est ce niveau démonstratif qui est devenu le modèle de toute la pratique philosophique. On a mis au plus haut la démonstration dont parle Aristote dans les Secondes analytiques, et cette démonstration qui devient grille de lecture de cette philosophie qui s'introduit, si je puis dire, par le haut, avec une forte valeur spéculative. Vous savez, on a souvent dit le Moyen-Âge est un âge qui n'observe pas, la Renaissance c'est l'accumulation des faits et c'est le début de la modernité, mais on a oublié de dire que c'est parce qu'on a eu la grande pénétration des idées, c'est parce qu'on a eu une forte gymnastique de l'esprit, qu'après on a pu observer aisément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier ce Moyen-Âge de toute la suite de la Renaissance. Et en ce sens, l'intellectuel arabe est la figure même de l'intellectuel. C'est-à-dire à la Renaissance, quand on voulait dire une figure de l'intellectuel, c'était bien évidemment la figure des philosophes arabes. Alors justement, comment Al-Kindi entend établir par l'intellect ce que l'image donnée par le Coran laissait de mystérieux? Par le fait de raccorder les plantes et les arbres se prosternent, c'est une image, prosternation des plantes, on voit pas bien. Il fallait d'abord indiquer, et c'est un point très très important, que on peut avoir dans la langue un mot qui signifie deux choses contraires. Il commence par cela. Il commence par dire, d'abord, les difficultés sont des difficultés linguistiques. Quand on dit « basir », voyant, en arabe, on veut dire à la fois le voyant et on veut dire l'aveugle, parce que à l'aveugle, par conjuration, on veut l'appeler voyant pour qu'il retrouve la vue. Et il commence par dire, ne vous étonnez pas, cher fils de calife, que les plantes et les arbres qui n'ont pas de genoux, qui n'ont pas de paumes de main, puissent se prosterner, parce que on peut avoir un sens contraire d'un même mot. Et il fallait en quelque sorte sortir la prosternation du sens strict religieux, pour le mettre dans quoi ? Pour le mettre dans la notion d'obéissance et rattacher par là tout le principe de l'âme rationnelle, de l'âme volontaire, et de rattacher au système philosophique néoplatonicien qui dit qu'il y a une âme rationnelle du monde qui règle le monde. C'est ce qu'avaient dit Plotin et Porphyre. Et donc il reprend cette idée d'une âme du monde qui règle les choses, et c'est elle en réalité qui se prosterne face au Créateur, parce que c'est elle qui régit complètement tout ce qui est ici-bas. Et donc ce n'est pas la plante dans son rapport à sa destruction prochaine, parce que ce n'est juste un végétal, mais c'est la plante comme indication en continuité avec le principe régulateur de l'univers. Voilà la manière dont la philosophie se faisait, si vous voulez, en ce temps-là. Comment a fini sa vie, Al-Kindi ? On a très peu d'indications sur la vie des philosophes médiévaux. En dehors d'Avicenne, on verra qui a véritablement dicté son autobiographie. Mais lui, Al-Kindi, ce que l'on sait, c'est après avoir eu la grâce de trois califes que j'ai cités au début, eh bien, il a aussi été en disgrâce. Et en réalité, tous ces philosophes ont connu à la fois la grâce et la disgrâce durant leur vie. Et toujours autour du rapport au religieux. Toujours autour du rapport, et aussi autour des manigances et des rivalités dans les cours des princes et des émirs. Et c'est ainsi qu'effectivement, lui-même a été disgracié. Il suffisait de dire Al-Kindi dit du mal de vous, cher calife. Et puis voilà, il se retrouvait en quelque sorte écarté. Mais nous n'avons pas une date précise de sa mort. On sait que sa vie est entre 800 et 870, mais ce sont des dates très approximatives. Et il a laissé quelques écrits. Il a laissé plus de 242 écrits, mais sous forme de lettres, dont la moitié est perdue. Mais elles sont authentifiées par des doxographes et il ne nous reste que la moitié. Mais il y a déjà de quoi lire avec cette moitié et qui véritablement stabilise pour la première fois au IXe siècle tout un vocabulaire philosophique qui finalement sera repris par les philosophes qui lui ont succédé. Ali Belmakhlouf parle d'un autre philosophe arabe. Oui, Al-Farabi, qui effectivement a été tout de suite appelé le second maître après Aristote, Aristote étant le premier maître, qui vient de Farab en Asie centrale. Il a appris la langue arabe à Bagdad auprès du grammairien Abou Bakr al-Sarraj. Il a eu comme maître en logique et en philosophie le chrétien nestorien Abou Bishr Matta ibn Yunus. On est en quelle époque là? Al-Farabi, c'est 870-950, entre le 9e et le 10e siècle. Matta ibn Yunus avait fondé l'école chrétienne des études aristotéliciennes à Bagdad. Et Al-Farabi, après avoir fréquenté cette école, a terminé ses jours à la cour de Saif ad-Dawla, le gouverneur chiite imamite d'Alep. Et après avoir été contraint de quitter Bagdad en 942, Bagdad entre 900 et 950 a été véritablement assujetti à plein de troubles politiques. Et justement, dans la philosophie de Platon, il souligne, c'est un de ses ouvrages, combien le philosophe vivant dans une cité corrompue, ou plus généralement dans une cité non gouvernée, par le philosophe éclairé, est en grave danger. Et il lui-même a été en grave danger. Et il prend dans un autre ouvrage l'image de l'être hybride pour rendre compte de la présence d'un homme vertueux dans une cité corrompue. Cet homme, dit-il, est alors dans cette cité une partie qui lui est étrangère, à la façon de ce qui se passerait si un animal donné avait par exemple une patte qui est la patte d'un animal d'une autre espèce. Et pour cette raison, les vertueux qui ont été poussés à habiter les cités ignorantes en l'absence des cités vertueuses ont besoin de s'exiler vers la cité vertueuse si le hasard fait qu'elle existe en un temps donné. Donc on sent bien les troubles qu'il a pu vivre à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Les détracteurs d'Al-Farabi, c'est de dire qu'il a mis toute la perfection et l'excellence du côté de la philosophie aristotélicienne, considérant que la religion est une image simplement de cette philosophie. C'est-à-dire qu'en réalité, si on veut chercher le concept, la compréhension, l'explication, c'est du côté de la philosophie qu'on peut les trouver parce qu'on a un discours rigoureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la religion tout aussi bien, mais la religion ne va pas vous donner le concept. Elle ne vous donne que l'image. Alors sur ce point, il avait dit « ce n'est jamais la philosophie qui est contraire à la religion, c'est les adeptes de la religion qui peuvent s'opposer aux adeptes de la philosophie. » Et donc la contrariété où la contradiction n'est jamais entre la religion et la philosophie, la contrariété, la contradiction est un phénomène de l'histoire entre ceux qui, recevant l'image religieuse, pensent que c'est directement le concept. Et quand ils voient arriver le concept, disent le concept est véritablement anti-religieux. Et donc c'est un problème de migration des idées, de migration des concepts. Quand on a traduit la philosophie grecque en milieu arabe, eh bien cette traduction n'a pas été comprise comme facilitant une osmose, mais comme venant s'opposer. Et il dit finalement, il faut imaginer que la religion migre d'une région à une autre, que la philosophie migre d'une région à une autre, et quand elle se retrouve dans un même lieu, l'antériorité de l'une sur l'autre fait que l'arrivée de la philosophie après la religion, ce qui est le cas dans le monde arabo-musulman, 9e siècle pour la philosophie, 7e siècle pour la religion, eh bien l'arrivée de la philosophie fait qu'on est comme avec une patte d'un autre animal en appartenant à une espèce qui est en quelque sorte hybride. C'est ça, si vous voulez, le problème avec lequel il avait affaire. Alors, Al-Farabi écrit le livre de la religion. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre ? Ah ben, le livre de la religion, c'est extraordinaire parce que il resitue ce qu'on peut appeler une religion vertueuse, dit-il, et une religion vicieuse. C'est intéressant comme opposition. Et en fait, la religion vertueuse, c'est la religion de la connaissance, c'est la religion selon la connaissance, et la religion vicieuse, c'est la religion selon l'ignorance. Et donc, il reprend ce terme d'ignorance que les théologiens très dogmatisés avaient dit, oh, tout ce qui était avant le Coran, avant la révélation, c'était de l'ignorance. Maintenant, nous sommes dans la lumière religieuse. Il dit pas du tout. L'ignorance n'était pas, ne précédait pas la révélation. Il y avait de la connaissance, dont la connaissance aristotélicienne. Et maintenant, c'est cette connaissance qu'il faut en quelque sorte reprendre comme un flambeau en la mettant dans le cadre religieux, en mixant l'image et le concept sans les mettre en contrariété. Ça, c'est un des aspects de cet ouvrage, le livre de la religion. Comment il a été perçu? Vous savez, c'était pas comme aujourd'hui où chaque livre avait en quelque sorte sa réception, mais Al-Farabi, on le considérait comme le grand logicien. C'est-à-dire que quand il traite même de la religion, finalement, c'est toujours ses concepts logiques qui reviennent. Et quelle était sa place dans la cité? Est-ce qu'il avait autant de pouvoir que l'imam officiel? Comment se comportait le calife? Comment se comportait, est-ce qu'on disait déjà la Oumma à l'époque? Comment se comportait la société civile vis-à-vis de ses avancées, de ces réflexions de philosophes? Alors justement, il a bien thématisé la question, à défaut de lui-même prendre pleinement parti. Il n'a été ni vizir, ce que sera Avicenne. Il n'a pas été en quelque sorte connu pour de grandes responsabilités politiques. Mais il a thématisé votre question en disant, dans une cité, il y a celui qui est complètement engagé dans la connaissance, qui fait partie de l'élite, Al-Khassa, et il y a précisément celui qui sait s'adresser à la jeunesse. Et ce qu'il faut, dit-il, c'est un philosophe qui puisse à la fois bien connaître les textes et être complètement engagé dans le modèle de la démonstration, et celui qui s'adresse aux jeunes. Et dit-il, il faut un philosophe imam. Un philosophe imam, un philosophe qui a toute la charge de la philosophie grecque, notamment traduite et commentée, et celui qui sait, en quelque sorte, utiliser les ficelles rhétoriques et les ficelles dialectiques pour stabiliser dans l'imaginaire de la cité la connaissance. Ça, c'était son grand projet. Un peu, si vous voulez, une lecture de la caverne de Platon. Il faut que quelqu'un qui est sorti, qui a vu la lumière, revienne comme mystagogue, comme celui qui déchiffre les énigmes, pour dire, écoutez, la lumière, ce ne sont pas les ombres que vous voyez devant vous sur les parois de votre caverne, mais les lumières, c'est les lumières de la connaissance. Donc ça, c'est véritablement son message. Autre chose dans ce livre de la religion qu'il a écrit, c'est qu'il imagine une expérience de pensée, le premier gouvernant. Donc, c'est pas un tel ou un tel, c'est le premier gouvernant. Il dit le premier gouvernant, eh bien, il peut pas avoir tout fait pour la cité. Entendez, par exemple, le prophète, quand il a dirigé la première cité, vous pouvez adapter, il peut pas tout faire. Donc, il y a, après, d'autres qui viennent compléter son travail. Non pas au sens où le premier gouvernant, dit-il, aurait fait des fautes, non, mais au sens où s'il revenait dans une période ultérieure, il ferait ce que font ceux qui viennent dans les périodes qui lui succèdent. Et c'est très très important pour installer le droit dans une dynamique. Et dit-il, il y a un moment où ce droit eh bien, se dégrade, si je puis dire, en jurisprudence, parce qu'on ne peut pas faire tout le temps des législations. Et pour ces jurisprudences, il faut que celui qui interprète la loi soit excellent connaisseur de la langue de son époque et de la langue du premier gouvernant, qu'il sache très bien quand un mot a une portée générale et quand il a une portée particulière, qu'il ait donc des compétences en logique, des compétences en linguistique. Et finalement, on dirait aujourd'hui, si vous voulez interpréter des textes anciens, il vous faut tous les outils de ce que l'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Et Ali Belmakhlouf, est-ce qu'on peut dire que, et ça c'est le débat d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'Al-Farabi était pour une réinterprétation des textes coraniques ? Cela va sans dire, parce que effectivement, chaque législateur est pris dans la finitude. Et dès lors qu'il ne peut pas tout faire, automatiquement, si une cité ne veut pas perdre sa santé, si une cité ne veut pas perdre sa vertu, ce sont ses termes à lui, il avait un modèle médical et un modèle, je dirais peut-être moral aujourd'hui, de l'intelligence de la cité, eh bien, il faut effectivement réinterpréter et adapter à son temps et à son lieu, ce sont ses propres expressions, adapter à son temps et à son lieu les textes. Donc, l'enjeu de sa réflexion, de son livre de la religion, et bien ici, de ne pas autonomiser les tribunaux de la charia du pouvoir politique des gouvernants. Oui. Alors pour lui, non seulement les tribunaux de la charia n'ont pas de légitimité en soi, mais ils se rapportent à un art contraint. Tout à fait. C'est un art contraint parce que il le tient cela de la République de Platon. Platon avait dit une cité a déjà perdu beaucoup de sa perfection quand elle a besoin de médecine et de jurisprudence. C'est-à-dire quand les gens vont mal dans leur corps et que le corps de la cité aussi est assez mal pour qu'on y réponde toujours par des lois. Donc la législation, c'est un art noble, un art royal, mais la jurisprudence, c'est de la contrainte. Et donc, les tribunaux doivent être complètement sous l'égide de la législation qui, elle-même, doit toujours s'adapter à son temps parce que une législation peut être obsolète et il ne faut pas précisément rester à une crampe que donnerait une loi obsolète et il faut précisément l'adapter en distinguant l'univoque du plurivoque, en distinguant les significations particulières des significations universelles, en étant toujours en quelque sorte dans l'excellente connaissance des coutumes et des traditions, écrites ou non écrites. Faire preuve de sagacité logique, reconnaître les divergences, les ressemblances et être un bon dialecticien, ceci pour honorer en quelque sorte cet art royal, comme il l'appelle, pour mixer, comme je le dis encore, la méthode socratique qui va bien avec l'élite et la méthode de Thrasymaque, une figure de la République de Platon qui était la figure d'un rhéteur, parce que la méthode de l'élite ne peut pas toute seule, elle ne peut pas combattre pleinement toute l'ignorance, elle est pur amour, il lui faut aussi se mixer avec une rhétorique qui graduellement va élever le grand nombre vers un mode de vie qui soit celui de la santé d'une cité. Alors, Ali Belmakhlouf, est-ce qu'on a des éléments sur de la vie, de la biographie d'Al-Farabi ? Effectivement, à la fin, il va rejoindre la cour de Saïf ad-Dawla, un émir à Alep, un émir chiite imamite. On a prêté du coup à Al-Farabi peut-être déférence à l'égard de cette forme de l'islam, mais peut-être qu'on devrait aussi surtout retenir qu'il cherchait tout simplement un refuge. Il avait une immense ironie, j'aimerais bien donner une petite fable qu'il avait imaginée. Il disait « Soit un ascète qui est poursuivi par le sultan, qui a fait fermer toutes les portes pour qu'on puisse le lui faire venir, vu qu'il est critique à l'égard de l'autorité califale. » Eh bien, cet ascète, il va enlever ses habits d'ascète, il va mettre des habits de noceur, il va prendre une mandoline, il va mimer celui qui est ivrogne, et il va essayer de quitter la ville ainsi. Le gardien lui dit « Qui es-tu ?» Il dit « Je suis celui que tout le monde cherche ». Il dit « Oui, oui, oui, c'est cela ». Et donc, il le laisse partir. Et Al-Farabi dit « Voilà, il est parti, il a quitté la cité tout en ne mentant pas, parce qu'il a décliné son identité, on ne l'a pas cru ». C'est le propre d'un philosophe, souvent il n'est pas cru, mais il a eu la vie sauve. On va parler d'Ibn Sina, plus connu sous le nom de Avicenne. Qui était donc Avicenne ? Avicenne, oui. Ibn Sina, comme vous avez dit, c'est le Avicenne du monde latin, où il est traduit très tôt, dès le XIIe siècle. Lui-même meurt aux alentours de 1037 à Hamadan, donc en Iran actuel. Très brillant, à 18 ans, il maîtrise toutes les sciences de son temps, dit-on. Et il est très rare qu'on ait une biographie des philosophes médiévaux, mais lui, Avicenne, il a dicté à un de ses disciples son autobiographie. On sait qu'il a été appelé près du sultan de Bokhara, qu'il le guérit d'une grave maladie, parce que rappelons-le, il est d'abord médecin. Il a été vizir philosophe, vizir de l'émir de Hamadan. On dit, bien évidemment, c'est une légende, mais bon, qu'il écrit la nuit et dirige le jour, qu'en 1021, il refuse la charge de vizir encore de la part de Shams ad-Dawla et se réfugie chez un notable de Hamadan et demande asile au prince Bouilli d'Ispahan. Allah ad-Dawla, qui ordonne, alors ça ce serait véritablement d'une belle actualité aujourd'hui, il ordonne ce prince Bouyid que les vendredis, on vienne écouter les solutions qu'Avicenne apporte aux problèmes scientifiques. C'est-à-dire que la mosquée se transforme en lieu de savoir et pas simplement de prosternation et de prière. La mosquée qui était d'ailleurs un lieu de savoir, on se réunissait auprès d'un maître entre deux prières pour apprendre les règles de grammaire, la jurisprudence, etc. Eh bien ce prince Bouyid, on sait que les Bouyides étaient très favorables au développement culturel, eh bien il ordonnait que les vendredis on vienne écouter les solutions d'Avicenne aux problèmes scientifiques. Il a connu tout de même aussi la prison, au gré des alliances qui se font et qui se défont. Il prend même l'habit incognito d'un soufi pour rejoindre Ispahan, où il passe, je disais, les 14 dernières années de sa vie, avant de rejoindre malade Hamadan, où il mourut. Alors, pourquoi il est en disgrâce quand il... Ces passages de disgrâce du philosophe oui, Avicenne Ibn Sina. Régulièrement, parce qu'on considère qu'ils ont une parole qui menace l'ordre religieux. Chose, par exemple, Shay, eh bien, c'est pas nécessairement quelque chose qui est existant. Avicenne avait insisté pour dire chose, c'est ce dont on parle. Mais on peut parler de choses, justement, qui n'existent pas. C'était des débats de cet ordre, vous voyez, où il y avait, en quelque sorte, à la fois une grande valeur spéculative des propos qui sont menés et à la fois des crispations sur des interprétations de tel ou tel passage, dont le mot « chose », très important dans le Coran. Un lecteur de Descartes, aujourd'hui, ne serait d'emblée familier avec un texte qu'Avicenne avait consacré dans son ouvrage sur l'âme et que l'on appelle la fiction de l'homme volant. Alors je lis, imaginons qu'un homme soit créé subitement et qu'il soit créé adulte, mais que ses yeux soient voilés et qu'il ne puisse rien voir du monde extérieur. Imaginons qu'il soit créé de telle façon qu'il se déplace dans l'air, ou plutôt dans le vide, pour qu'il ne puisse percevoir la résistance de l'air qui l'affecterait. Donc complètement détaché de la pesanteur. Enfin, imaginons que ses membres soient disjoints au point qu'ils ne le puissent ni se rencontrer ni se toucher. Supposons maintenant que cet homme se demande s'il peut affirmer l'existence de son essence individuelle. Oui, il ne fait aucun doute qu'il va affirmer qu'il existe et pourtant il n'affirme pas l'existence de ses membres, etc. Donc en fait, l'homme volant, ce qu'on appelle l'homme volant, c'est cette idée que la pensée existe envers et contre tout, que la pensée est véritablement, comme le dira Descartes, une existence en elle-même, substance qui subsiste par elle-même, qui subsiste sans le corps et qui n'a pas besoin du corps plus exactement pour qu'on puisse dire qu'elle existe. Alors ça, c'est d'une immense actualité parce que vous pouvez aussi l'interpréter sous la forme, eh bien, mon essence individuelle, l'activité de penser est quelque chose que personne ne peut me ravir. Par exemple, quand vous dites c'est d'actualité, comment relire Ibn Sina, comment relire Avicenne aujourd'hui en 2015? Je pense, en insistant sur cette idée que l'intellect est véritablement un mode de vie, c'est pas juste des élucubrations, c'est pas juste des gens qui sont dans une attitude contemplative, retirés du monde, etc. Le mode de vie de l'être humain, ce qui fait son humanité, c'est de se rattacher au maximum à l'intellect. Autrement dit, on s'humanise complètement par la connaissance, par le ilm, qui, je rappelle, mot de science, se rapporte à toutes les choses de la vie de tous les jours, pas simplement la science abstraite. Ça, c'est la sagesse de la philosophie, mais qu'en est-il de la religion, de la place de la religion, donc ? Oui, mais justement, si le mode de vie est un mode de vie selon l'intellect, la religion elle-même s'arrime à cet intellect. La religion n'a de sens... Et pas le contraire, vous voulez dire ? Et pas le contraire, parce qu'effectivement, l'intellect, c'est ce qu'on partage pleinement dans l'épanouissement de soi. Et ce qu'on partage pleinement dans l'épanouissement de soi, eh bien, il y a un sens de la religion qui va dans ce cadre-là. Par exemple, quand le Coran dit que lumière, Dieu est lumière sur lumière, Avicenne et toute la tradition dite de la philosophie illuminative reprend cette idée de lumière sur lumière pour dire que c'est le principe même de la connaissance qui est en émanation continue, principe plotinien de néoplatonicien, qui fait que le monde, en quelque sorte, se voit répandre en lui le flux de la connaissance. Ça, c'est pleinement Avicenne. On a toujours à être du côté de la connaissance. Il a beaucoup insisté sur l'exercice de la providence divine, en disant qu'il fallait la détacher de toute la superstition. Dieu n'est ni vengeur, ni avec son doigt derrière les gens, récompensant celui-ci et punissant celui-là. La providence divine, c'est une intelligence des sphères du monde, et en quelque sorte, la théosophie, la sagesse du théos, du Dieu, c'est toujours de mixer la logique à la mystique, parce qu'une mystique débridée, ça donne des gens extravagants, et la mystique sous contrôle de la logique, c'est-à-dire sous contrôle du raisonnement, est une mystique qui finalement accroît les dimensions de l'être plutôt qu'elle ne les réduit. Mais cette tentative d'Avicenne, d'Ibn Sina, de chercher à rendre compte de l'imagination prophétique, va être critiquée après par Averroès. Tout à fait, c'est vrai, parce que en fait, les temps changent, bien évidemment, dans le monde médiéval. Entre Avicenne et Averroès, il y a 2 siècles, c'est beaucoup, regardez-nous, par rapport au 19e siècle, début du 19e siècle. Eh bien, en 2 siècles, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Al-Razali, qui a dit qu'il y avait, en quelque sorte, une incohérence des philosophes, qui ont invité la métaphysique dans le religieux, qui ont fait de Dieu un être nécessaire, qui ont parlé du fait que Dieu ne pouvait pas connaître les choses particulières qui vous arrivent à vous, à moi, mais qu'ils étaient toujours au niveau d'une universalité, mais qu'ils descendaient pas au niveau des contingences de chaque détail de la vie de chacun. Et enfin, c'est ainsi qu'Al-Razali critique, mais c'est pas, je parle de la critique. Et donc, finalement, toute la manière dont Avicenne a dit que la prophétie, c'est une faculté supérieure chez l'homme, et il s'est mis à indiquer comment le prophète reçoit directement de l'intelligence une inspiration qui fait que son imagination est illuminée par l'intellect. Tout cela, eh bien, quelqu'un très rationnel, rigoureux comme Averroès dit, ben, c'est parce qu'il a thématisé tout cela à Avicenne qu'il a donné lieu à une critique d'Al-Razali, qui est Al-Razali, qui est un peu comme le Pascal du monde occidental, c'est-à-dire qui est théologien et philosophe, qui recentre les choses par rapport à la foi, mais qui est un grand philosophe. Et donc, finalement, Averroès va dire, il faut rester pleinement dans un discours sans mysticisme exagéré, sans thématisation de la prophétie, pour finalement ne pas prêter flanc à des gens qui vous diront toujours, vous parlez de choses dont vous n'avez pas de science. Et la base est plutôt d'une sagesse que tout le monde pourrait reconnaître. Averroès dit que le Coran est un texte écrit dans une langue susceptible d'être déchiffré par chacun, ce qui est vrai. Oui, avec l'aide tout de même des hommes de science, qu'il appelle « rasikhoun fil ilm », les gens qui sont de science profonde. Il y a 3 niveaux de lecture, le niveau rhétorique, le niveau dialectique et le niveau démonstratif. Et au niveau rhétorique, les gens sont pas moins croyants parce que ils ne sont que dans les images du texte. Ils sont pas moins croyants puisque il y a également le salut des ignorants. Il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas instruits, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins pieux que d'autres. Ça, tous les philosophes vont beaucoup insister sur ce point. Maintenant, si on veut comprendre et pas simplement vivre la religion, si on veut mêler à la piété la connaissance, eh bien cette connaissance, il faut sortir du texte religieux et mettre en comparaison ce texte avec les savoirs venus des autres nations. Alors, est-ce que Ali Ben Makhlouf, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise de l'islam ou une crise de la pensée dans les pays musulmans ? À intervalles réguliers, l'islam, comme les autres religions, connaît des fièvres. L'islam connaît une fièvre depuis la révolution iranienne, depuis 1979. Il y a véritablement un coup de chaud sur cette religion. Il est peut-être... C'est assez neutre, comment décrire ce coup de chaud, entre guillemets? Ce coup de chaud, c'est une révolution, rien moins qu'une révolution, quand même un retentissement avec des ondes que l'on perçoit encore aujourd'hui. Le coup de chaud, c'est vraiment la révolution dite islamique de Khomeini. Avant cela, l'islam n'était pas dans cette actualité-là du tout. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que peut-être que si, quand on prend le recul que nous donnent ces philosophes médiévaux, il est important de ne pas rapporter une religion uniquement à sa fièvre. On ne va pas se mettre à juger le christianisme uniquement à partir des guerres de religion du XVIe siècle, dont Montaigne est le témoin. On ne va pas rapporter le christianisme uniquement à l'Inquisition. Donc, si vous voulez, effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'islam en général. Il faut peut-être plus parler des musulmans, des pays distincts et de ce qu'ils font de la religion, et reconnaître que depuis 36 ans maintenant, 35-36 ans, il y a un chambardement issu de cette révolution avec toutes les ondes qui lui sont associées. Mais une fois de plus, comment le définir ? C'est quoi ? C'est une crise ? C'est un passage par un tunnel obscurantiste ? C'est l'absence justement de scientifiques et de philosophes ? Vous diriez autre chose, Ali Ben Makhlouf ? Je dirais que l'éclipse de la pensée philosophique ne fait pas de bien, ça c'est sûr. Et que plus que jamais, on a besoin d'aller vers la connaissance. Moi, si vous voulez, c'est mon seul combat. Ça fait 31 ans que j'enseigne et je crois pleinement à la transmission. Je crois à la détente et à la décrispation que donne le débat. Et je crois qu'effectivement, la croyance, la foi, les comparaisons entre les religions, on décrispe beaucoup par comparaison. Eh bien, ça, c'est toujours utile. Montaigne, en son temps, il disait « Regardez un mahométan, regardez un païen, nous sommes toujours en dessous », parce qu'il avait en tête les crimes chrétiens qui ont décimé un continent par la colonisation espagnole, l'Amérique du Sud, ce qu'on appelle l'Amérique du Sud, et il avait en tête les guerres de religion protestants catholiques. Donc, si vous voulez, à quel moment vous prenez un phénomène pour l'analyser, quand vous êtes complètement dans le temps, quand vous êtes complètement dans la connaissance historique, eh bien vous ne surévaluez pas les violences de votre présent. On parle d'Averroès. Oui, Averroès, considéré comme le père spirituel de l'Europe par un de ses grands spécialistes, professeur au Collège de France aujourd'hui, Alain de Libera. Père spirituel de l'Europe parce qu'il a été très vite traduit. C'est d'ailleurs son nom, Averroès, c'est le nom que lui confère le monde latin. Médecin, juge, philosophe andalou, 1126-1198. Il a fait de la logique, de la médecine, du droit. Il a été juge, puis juge suprême à Grenade. Il a fait des voyages au Maroc, à Marrakech notamment, à Fès. Il a acclimaté la philosophie pour le monde andalou. Ibn Tufayl Aboubakr le présente à Abu Yaqub Yusuf, qui est un calife, pour, dit-il, rendre clair, dénouer les difficultés d'Averroès pour le monde andalou. Donc, véritablement, il a une mission politique qui est de commenter Aristote. Ça peut nous sembler bizarre aujourd'hui, mais Aristote, 1500 ans d'écart avec Averroès, est d'une immense actualité pour lui, comme lui, Averroès, peut être aujourd'hui d'une immense actualité pour nous. En quoi ? Parce que, précisément, il a fait une lecture très serré du texte religieux pour indiquer que il était un programme pour la connaissance, mais qu'il ne renfermait pas la connaissance. Ouais, il a mis, dites-vous dans votre ouvrage, Ali Ben Makhlouf, il a mis en évidence l'absence d'exclusivité dans l'accès à la vérité. Oui, exactement. Il y a de multiples accès à la vérité et il a insisté sur le fait qu'un homme seul, aucune culture seule, n'accède pas seul à la vérité, qu'il lui faut toujours traduire pour pouvoir se situer et s'enrichir. Le combat qu'il menait, parce qu'il a eu aussi beaucoup d'adversaires théologiens qui ne comprenaient pas cette ouverture sur le concept et sur l'intellect, et il avait cette phrase essentielle, une connaissance ne se juge pas par rapport à son origine, grecque ou non, elle se juge par rapport à sa validité, est-ce que ça vaut ? Et il va prendre un exemple même du rite musulman pour faire entendre cela. Et il va dire, quand un mouton est sacrifié, on ne se demande pas d'où vient le couteau qui sacrifie, on dit est-ce qu'il coupe bien ? Eh bien, le savoir, c'est toujours sa validité qui est son critère de mesure. C'est pour ça que je vous disais, le combat était très très clair. Et il disait, dans le Coran, il faut ponctuer certains versets différemment. Je vous cite un exemple. Verset 7, sourate 3. « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. On y trouve des versets univoques qui sont la mère du livre et d'autres équivoques. Ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur, donc c'est contemporain aussi, mais il le lit par rapport au Coran, le Coran dit cela. Ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur s'attachent à ce qui est équivoque. Car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation. Mais nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu et les hommes de science profonde. Ils disent, nous y croyons. Et dit-il, je ne ponctue pas de cette façon qui est courante. Nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu, point. Et les hommes de science profonde disent, nous y croyons. Non, dit-il, nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu et les hommes de science profonde. Ils sont associés à Dieu dans la connaissance. Ils disent, nous y croyons. Dieu partage avec les hommes de science profonde la connaissance des versets équivoques, parce que pour les versets équivoques, il faut mobiliser beaucoup de savoir que la seule piété des personnes ordinaires ne parvient pas, à laquelle cette piété ne parvient pas à adhérer. Donc vous voyez son combat véritablement très très fort pour toujours, en quelque sorte, indiquer que Aristote est une boîte à outils extraordinaire. Il le qualifie ainsi, Aristote. L'être ainsi privilégié, Aristote, mérite d'être appelé divin. Aristote est divinisé, plutôt qu'humain. Et voilà pourquoi les anciens l'appelaient divin, le divin Aristote. Nous adressons des louanges sans fin à celui qui a prédestiné cet homme à la perfection et qui l'a placé au plus haut degré de l'excellence humaine où aucun homme, dans aucun siècle, ait pu parvenir. C'est à lui que Dieu fait allusion en disant, dans le Coran, cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut. Voilà Aristote rattaché à la chaîne des êtres inspirés, parmi lesquels se trouvent bien sûr les prophètes. Et il y a cette idée de continuité qu'on a vue déjà chez Al-Kindi, l'idée que véritablement, il y a une continuité entre la sagesse prophétique et la sagesse de ceux qui décryptent la forme énigmatique, formulaire, rythmée, mélodieuse de la religion sous forme d'arguments et sont dans les étapes du raisonnement. Averroès est l'auteur du discours décisif. C'est quoi le discours décisif ? Discours décisif, les titres médiévaux étaient souvent très longs et le discours décisif, c'est le discours où on concilie entre la loi et la sagesse. Malheureusement, ce discours est traduit par l'idée, dans le titre, où il est dit qu'on concilie la philosophie et la révélation. Ce n'est pas du tout ça. Averroès parle de sagesse, hikma, et de sharia, loi divine. Et ce qu'il veut montrer, c'est que dans le titre, le mot sagesse, dans le premier paragraphe, c'est le mot philosophie qui se substitue au mot sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'introduction de la philosophie dans le monde arabo-musulman qui est de la labelliser sagesse pour qu'elle puisse être acceptée. Et après commence le véritable travail, et il n'y a pas en quelque sorte ce qu'on lui a mis sur le dos, une double vérité, vérité de raison, vérité de foi, ça c'est un des contresens du monde latin sur Averroès, il n'y a pas une double vérité, il y a des multiples accès à la vérité. La doctrine de la double vérité n'apparaît pas chez lui, ni même chez ses prédécesseurs, au lieu de cela, on a un usage très étendu, comme dit Léo Strauss, de la distinction entre enseignement ésotérique, très savant et enseignement exotérique qui est précisément qui repose sur les arguments rhétoriques. Alors aujourd'hui, que peut nous dire Averroès ? Eh bien, je vais citer ce passage du Coran comme il l'interprète. « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la belle exhortation et dispute avec eux de la meilleure façon. » Et dit-il, nous avons les trois méthodes aristotéliciennes. Par la sagesse, c'est-à-dire la philosophie démonstrative. La belle exhortation, c'est la rhétorique. Et dispute avec eux de la meilleure façon, c'est-à-dire faisons en sorte que le débat ne vire pas la polémique, mais crible pour dégager des principes de vérité. Discute avec eux de la meilleure façon. La dialectique a la deux orientations. Soit vous la mettez dans un débat qui arrive à cribler une proposition commune qu'on va partager. Ça, c'est la belle façon. Soit c'est d'accord, pas d'accord, et polémique, et division, désintégration sociale. Et lui en sait quelque chose. D'ailleurs, ouais, disait... justement. Est-ce qu'il a eu à utiliser ces trois méthodes vis-à-vis de ses détracteurs, et plus précisément vis-à-vis des dogmatiques? Est-ce que Averroès utilisait effectivement ces trois méthodes pour discuter, pour parler? Est-ce qu'il avait eu le loisir de pouvoir les appliquer? Il avait, alors c'est très important, il était bien évidemment en conflit ouvert avec les, ceux qui dogmatisaient le texte, en conflit ouvert. On sait qu'il a toujours eu la protection des princes almohades, parce qu'en même temps, il les soignait, il était médecin. Mais à un moment, il y a eu une cabale telle contre lui, qu'il a été exilé dans une ville, Ljubljana, d'Andalousie. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique a penché de l'autre côté. Exactement, à ce moment-là. Et ses œuvres ont subi un auto-da-fé. Et puis, il a été réhabilité juste avant sa mort. Donc, effectivement, il en sait quelque chose du problème direct que l'on peut avoir avec ses coreligionnaires. Le Moyen-Âge, dit-on, est un âge métaphysique. Qu'en est-il justement avec le XIVe siècle et Ibn Khaldoun ? Oui, Ibn Khaldoun va complètement reprendre cet héritage en insufflant dedans la science historique et la science de ce qu'il appelle, ce qu'on appelle la science de la civilisation, l'umran, de l'urbanité. Ibn Khaldoun, philosophe maghrébin qui a vécu entre ce que l'on appelle la Tunisie aujourd'hui et un peu l'Andalousie, il a fait des allers-retours, si je puis dire. Il a été aussi conseiller des princes. Il a écrit sur ce que c'est que être conseiller des princes dans toute cette tradition connue du miroir des princes, c'est-à-dire la manière dont pour un prince gouverner, c'est se gouverner soi-même et avoir quelqu'un qui vous tienne archive de votre journée pour vous conseiller. Donc, il a été complètement dans ce circuit-là. Et il est sorti de la pensée théologique, on peut le dire. Et en même temps, il doit beaucoup à aux philosophes qui l'ont précédé. Il leur doit beaucoup parce qu'il dit, ils ont parlé de la rhétorique, ils ont eu raison. Ils ont parlé de la politique, ils ont eu raison. Mais pourquoi ils ne les ont pas mis en relation de manière étroite ? Moi, je vais les mettre de manière étroite, politique et rhétorique, parce que la rhétorique, c'est la persuasion et la manière dont on s'adresse à tous. La politique, c'est véritablement poser dans l'âme des gens un système de volonté pour un vivre ensemble, mais surtout un agir ensemble. Donc, entre agir ensemble de la politique, selon la volonté de tous, et la persuasion rhétorique, il faut arriver à faire le lien. Et le lien, dit-il, eh bien, c'est la cité, c'est les remparts, on vit ensemble. C'est quoi une cité ? Une cité, c'est de l'urbanité. Une urbanité, c'est-à-dire la manière dont on décide de transférer une partie de sa liberté pour avoir une sécurité et avoir une liberté partagée et pas simplement une liberté du justicier qui veut faire la justice tout seul. Mais alors, plus qu'une philosophie, c'est une science qui traite de l'art de gouverner un foyer ou une cité conformément aux exigences de la morale et de la sagesse. Mais là, on ne parle pas de religion. Non. La religion imprègne effectivement cette sagesse, cette morale, mais elle est mise de côté. Elle est en quelque sorte reprise dans une grammaire du pouvoir politique pour dire attention, ce que l'on prend de la religion comme étant de la politique, en fait, c'est, selon l'expression du philosophe allemand Lichtenberg, on fait de la ventriloquie transcendante en disant que Dieu a dit des choses que les hommes décident sur Terre. En fait, Il faut juste voir comment naît et se termine un pouvoir qui se dit légitimé par la religion. Il a fait une analyse de la circulation des signes. Je vous donne un exemple, celui précisément de la fameuse bay'a, c'est-à-dire l'obéissance à un prince. Et dit-il, l'obéissance à un prince, autrefois la bay'a c'était serrer la main de quelqu'un avec qui on a conclu une vente, parce que bay'a en arabe, ça veut dire vendre. Et donc, dit-il, on a pris un exemple du contrat de marchand pour parler de la soumission au pouvoir politique. Mais cette soumission, attention, ça veut dire quoi? Cette soumission, le prince ne peut pas supporter que vous lui serriez la main parce que vous êtes son égal. Et c'est comme ça que s'est installée petit à petit l'idée que le serment d'allégeance a tout un contour autour de lui qui produit du prestige et un aura pour le pouvoir. Les califes exigeaient des serments en guise d'engagement envers eux et collectaient tous ces serments. Et ça, c'est un point important. Autre chose dans ce rapport à la religion. En général, on considère que les quatre califes qui ont succédé au prophète, c'était des califes bien guidés, etc. Et lui, il se penche sur le second, Omar. Il dit, précisément, il y avait comment l'appeler. C'est pour ça que je parle de grammaire des signes. Comment l'appeler? Alors, ça devenait très fastidieux si le prophète était le messager de Dieu. Abou Bakr, le premier qui lui succède, c'est le calife du calife de Dieu. C'est très, très long. À Port Omar, le calife du calife du calife de Dieu, c'est plus possible. Donc les gens doivent inventer autre chose. Et dit-il, une fois d'une expédition militaire, donc il donne les enjeux de guerre, quelqu'un arrive en disant « je veux parler au commandeur des croyants ». Et tout le monde lui dit « tu nous as sauvés » parce qu'on ne savait plus comment l'appeler. Et donc « commandeur des croyants ». Et on perd cette idée du rapport à Dieu parce que là, c'est véritablement la gestion des croyants et ce n'est pas « calife de Dieu ». On trouva que ce titre était incommode, dit-il, de représentant du messager de Dieu, à cause de sa longueur et de ses nombreux compléments de noms. Ceci, avec le temps, devait sans cesse augmenter. Le titre devenait imprononçable et incompréhensible. Aussi, a-t-on dû y renoncer et choisir un autre titre plus approprié. Et donc, le pragmatisme s'invite dans cette science historique et dans cette politique qui est précisément décrite par lui. Oui, parce que Ibn Khaldoun était aussi un historien de l'islam. Ah oui, bien évidemment. En proposant une lecture plutôt critique, ou du moins personnelle. Ah, tout à fait, une lecture critique, parce que pour lui, ce qui compte, c'est pas faire une histoire des dynasties, c'est faire une histoire que Foucault appellerait des dispersions et des contingences. Qu'est-ce qui vient à chaque moment et qu'est-ce qui fait qu'une dynastie se perd? Par exemple, quand un calife, à l'époque abbasside, a commencé à demander à ce que ses épées soient en or. Il dit c'est la fin du pouvoir parce qu'il s'enferme dans une forme de cérémonie sans pouvoir, l'habit de cérémonie sans pouvoir. Et donc, au moment où on a commencé à produire des épées en or pour le calife, c'est qu'il avait perdu son pouvoir, son contact avec les gouvernés. De même, dit-il, attention, il y a eu cette migration de la Mecque vers Médine, il fait de l'histoire des premiers temps de l'islam, où le prophète est arrivé à Médine fondant la première cité. Eh bien, dit-il, mais après, c'était pas la peine de continuer à migrer. L'idée que l'expansion de l'islam n'est pas du tout un principe religieux. Après, je le cite. Quand les musulmans furent devenus nombreux et forts, l'obligation d'émigrer fut abolie. C'est pas la peine précisément de penser que du coup l'islam devrait se propager partout. La migration elle-même est un élément de l'histoire parce que il était persécuté à la Mecque, il a été fondé la ville de Médine. Et ce qui est intéressant dans Ibn Khaldoun, c'est qu'il a toujours été pris comme figure même de ceux qui ont toujours voulu distinguer entre le pouvoir purement spirituel de la religion, respectable en lui-même, et le pouvoir politique au nom de la religion, qui est toujours une falsification, parce que ça produit de la contrainte. Or, il n'y a pas de contrainte en religion. Et qui part d'une interprétation parmi tant d'autres. Exactement, et surtout, si vous voulez, cette idée que la contrainte ne naît que de la loi civile au sein des hommes, et cette loi civile n'a aucune coloration politique. Et je crois que ça, c'est un point important, avec cette insistance aussi qu'il y a plein de lacunes, il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Il dit, c'est vrai qu'on a privilégié la civilisation grecque dans ses traductions, mais qu'en est-il de la civilisation chinoise, des Indiens, des Chaldéens, des Babyloniens. Et donc, il faut toujours mesurer son savoir à l'aune de ses ignorances. Et ça, c'est un grand message de scepticisme à l'usage des temps modernes. C'est de reconnaître les points de lacune et de reconnaître que l'histoire elle-même est un art, dit-il, où les savants et les ignorants se retrouvent au même niveau parce que vous avez les faits qui arrivent, les événements qui arrivent, et vous ne pouvez pas précisément prétendre toujours être là pour décrypter. Tout ce que vous pouvez faire, c'est débattre, comme nous faisons d'ailleurs aujourd'hui. C'était Tête chercheuse, à retrouver sur franceculture.fr pour écouter l'émission, pour avoir plus de précisions sur la bibliographie de nos invités et avoir aussi quelques illustrations inédites. Dans un instant, le grand large, le voyage d'évasion avec Catherine Libert. Merci de passer votre été avec France Culture.